pour notre style de hip-hop qui nous est propre. C'est la goutte qui coule le long de ta joue. 34. Ma vie n'est pas un fleuve tranquille, mais une mer agitée. 34. KCW jamais dans le cercueil. 34. Ces réservoirs d'or. KCW dans tout ce monde sale. Les gens ont peur des insectes, pas des humains et de leur sexe. Réfugiés dans l'inceste, beaucoup plus qu'un geste. Chauffer, goûter un zeste. L'intrus qui tabasse, les têtes qui fracassent. Faire remonter niveau du rap sans développement du rap. Réchauffement climatique, la famine dramatique. Les pays riches se gapent, les pays pauvres bappent. Délit de sang, délit d'antan, autant récent que maintenant. Des guerres robotiques à coups de bombes atomiques. Génération trisomique pendant des heures chastiques. Ironie du sort, c'est fini, tu sors. C'est fini, tu sors. Du sort, c'est fini, tu sors. Les générations futures finiront ce morceau. Finiront ce morceau. Ouvre ta gueule devant ces trompettes. T'as vu leur tête quand ils font le GI. Moi je les verrai avec un chapeau de paille. Savent pas parler, savent pas t'écouter. Alors on les a dégradés de la tête aux pieds. Ils ne pouvaient plus parler, sont partis, la queue entre les jambes. Je me vante pas, mais ils nous comprennent pas. Depuis ils ont la rage, mais ils nous auront pas. Tout arrive à cause des jeunes irrespectueux qui se croient plus grands que Dieu. On va montrer comment on est ambitieux. Pas grand chose pour nous retenir, mais seulement votre empire. Voler chez nous c'est un tic, c'est l'école du mégot d'Afghan, de Marocain. Tu veux du shit, je te ramène en barrette. Ma vie n'est pas un fleuve tranquille, mais une mer agitée. On veut tous en sortir de ce trois rats, tête rasée, gueule à mon chier. Rien à les poches, l'argent que je fais est sale comme mes poumons. Monté au troisième étage, on a pris la France en otage. Pas tatouage sur notre corps, que des cicatrices. J'ai grandi avec des enfants qui savaient pas écrire ni lire. La vie est un sable mouvant, plus t'avances, plus tu t'enfonces. C'est pour ça qu'on se défonce. Allez le grec, boulot, mental bout. Pour oublier cette putain de journée. Parce que demain c'est loin, comme l'horizon est loin.